Le rap est important pour moi, rentre-le dans ton crâne. MC, si tu fais bien le mal, arrange-toi pour pas te faire prendre. Pis si tu snitches la famille, tu t'arranges pour te faire pendre. Et si tu veux me rendre visite, c'est 5-1-4-4-5-1. Non, j'ai pas le temps pour parler, moi je préfère les face à face. Le début derrière l'ordi, pis c'est plus le même paragraphe. Pis ça, crois-moi, fils de pute, c'est quelque chose qui m'agace. Au nom du verre et du spliff, vomi, je le jure sur ma race. Et même si tu veux, tu peux pas percer ma carapace. Et tous ceux qui ont pas grand moi sont victimes de cataractes. Yo, même sans pandémie, t'es mieux de rester dans ta baraque. On a des outils pour te faire danser le tabarnak. Yo, et si tu veux test, on peut vider ce que t'as dans le sac. J'parle pas de Saint-Jean quand j'dis que tu peux finir dans le lac. C'est pour faire des billets, si nous mènes on fait des actes. Direct sur le sommet avec une bouteille de cognac. Yo, tout ça c'est juste la vérité, man. La vérité c'est que vous êtes tous des jaloux, man. La vérité c'est que vous avez peur de mon succès, bande de putes. Face à l'hypocrisie, votre destin s'assombrit, yeah. Vous partez sur une dérape, vous avez pas mis bon cap. On côtoie tous ces gens qui veulent notre mal maintenant. Parce qu'un peu avant, ils voulaient prendre notre temps. Pis là, ils nous délaissent, ils veulent couper notre laisse. Vous combler à nous côtoyer comme vos crises de chiens sales. J'parle à tous ces gens qui veulent nous voir tomber. Ces astites finaires auraient besoin de rocler. J'n'ai assez eu des balles contact, vous flushez, me ferait sentir intact. Et si je passais à l'espace de quelques secondes que le monde pourrait changer d'avis sur leur vision des choses, je donnerais ma bénédiction au nom de l'hypocrite jaloux et du hater, je lève mon verre. C'est vous qui m'avez permis de devenir aujourd'hui qui je suis. Et j'ai assez persévéré pour savoir ce que je veux pour devenir grand. Puis il me faut des balles quand je n'ai plus rien à battre. Je vais sortir la matraque. Wouh! Sur la piste de temps, je vous dis montez le volume. Vous allez tous penser que mes bonnes pensées elles fument, yeah. Mais je n'ai pas encore assez dit pour quitter le rap game. C'est pas vous cette histoire d'être qui va m'empêcher d'être sur scène. Vous jouez tous sur mon track, il va falloir se faire un pack. Les hypocrites, je les envoie chier. Vous êtes rien qu'une gang de traînés. Jaloux, hater, hypocrite, je vous dis salut. Sans vous, je serais pas là aujourd'hui. Yo, c'est Angry Sam, bitch, ok. Yeah, c'est la vérité, man.